sous-tend, regarde lui, mais par hélas, emporte ma drôle de vie dans un flacon de flot glacé. Arrête si tant et si peu à la fois, chaque fois j'y laisse, c'est mes reprends un morceau de moi. Arrête si quand je laisse venir un malheur, le goût de vie, un naufrage là comme un sucre dans un café. Un rêve c'est lent comme le courant qui passe ici. Un rêve c'est long comme une nuit passée tout seul. Un rêve c'est en douleur, un rêve c'est un et je m'aime. Un rêve c'est en regarde lui, par hélas, emporte parole de vie dans un claquement de flot glacé. Un rêve si long comme une nuit passée tout seul.